alternative. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. La radio communautaire de l'année pour 3e année consécutive. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. Production Rhizome, maison de la famille Louis Hébert, SDC Faubourg Saint-Jean, Pêche, programme d'encadrement clinique et d'hébergement, centre communautaire L'Amitié. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Le mercredi 8 novembre au Grand Théâtre, l'Orchestre symphonique de Québec interprétera la célébrissime chevauchée des Valkyries de Wagner. Vous entendrez aussi Bertrand Chamaillou, le prince du piano, dans la burlesque de Strauss. Une œuvre de jeunesse d'une grande virtuosité que peu de pianistes osent aborder. Pour clore ce programme, un chef-d'œuvre de Dvorak, sa 8e symphonie. Hydro-Québec, partenaire de saison. Ce soir, à l'aérospatiale, Anouk de Clercq expose à la bande vidéo Point de vue féministe sur le monde des arts visuels avec Émilie Porakia, la chronique Art public de Marie-Claire Tremblay et un film inspiré par l'œuvre et la vie de Vincent Van Gogh. Bonsoir, chers auditeurs et auditrices, et bienvenue à l'Aérospatiale, votre magazine radio sur les arts visuels à Québec. Audrey Caro à votre compagnie pour cette édition de l'Halloween, 31 octobre 2017. Et nous avons vraiment une émission bien chargée aujourd'hui, plusieurs sujets à vous proposer, comme vous avez pu le constater. Et dans un premier temps, je vais avoir l'occasion de discuter avec Sébastien Hudon, directeur artistique de la bande vidéo, pour discuter de la nouvelle œuvre Thing de Anouk de Clercq qui est présentée actuellement à la bande de vidéo. Vous allez voir vraiment une œuvre assez intrigante et aussi immersive également. Donc, on va discuter de tout ça avec lui dans quelques instants. Par la suite, on va pouvoir faire aussi un petit retour. Hein. Je vous disais la semaine dernière qu'on allait connaître au courant de la semaine lauréate ou lauréat du prix Sobé. Donc, on a connu justement le mercredi dernier le nom de la gagnante, qui est l'artiste Micmac Ursula Johnson, qui venait des provinces de l'Atlantique. On va, à vrai dire, de tout ça découler le sujet de la chronique de notre chroniqueuse Émilie Porakia, donc qui voulait parler de la question des femmes dans le monde des arts visuels, notamment dans le milieu des prix en arts visuels, mais en même temps, ses lectures l'ont amenée à toucher à toutes sortes d'aspects sur le féminin en arts visuels. Donc, on va discuter plus en profondeur avec elle de ça. Elle va nous lancer quelques questions, justement, qui ont émergé de ses lectures. Sinon, Marie-Claire Tremblay, en deuxième moitié d'émission, va venir nous faire sa chronique Art public pour nous faire, bien sûr, découvrir une œuvre d'art public disséminée dans la ville de Québec. Et aujourd'hui, c'est l'œuvre Éphémère durable de Mathieu Valade, dont elle va nous parler, qui est située tout juste devant la Maison de la littérature et qui se prête bien, justement, à cette thématique Halloween du jour aussi. Et je terminerai moi-même en vous faisant un petit retour sur un film magnifique qui est présenté actuellement au cinéma Le Clap La Passion Van Gogh. Van Gogh. Donc, que j'ai été voir hier et qui est vraiment fantastique. Un film qui a été réalisé à 100% à partir de peinture à l'huile. Donc, un film d'animation toute faite à la main, là, patiemment à la main. On va découvrir ça ensemble en fin d'émission. Et bien sûr, on fait l'agenda de la semaine. Donc, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. On s'en va écouter une première chanson parce que c'est moi cette semaine qui vous a fait une petite sélection musicale. On va l'écouter en premier lieu, Forêt avec Après la guerre. J'ai l'ombre immense se défait parmi les branches. J'essaie de naître ailleurs avec ma cage au pied du vin. Oiseaux enfilés entre mes lèvres après la guerre. Les colombins furies de nos amours au fond de l'air. La foule qui nous habite a le visage des anges noirs. On perche sur le vide les ailes. Alors, on débute cette émission en compagnie de Sébastien Hudon. Bonjour Sébastien. Bonjour Audrey. Alors, donc pour rappeler, tu es le directeur artistique à la bande vidéo et tu viens nous parler de cette œuvre qui est présentée chez vous depuis vendredi dernier, donc une œuvre d'un artiste belge, mais qui est ma foi assez intrigante, une œuvre pas récente non plus, 2013, enfin, dans notre jargon artistique, mais qui est vraiment, moi je trouve, extrêmement fascinante, même encore 4 ans plus tard, si je peux dire. Est-ce que tu peux nous présenter un peu qui est Anouk de Clercq? Oui, Anouk de Clercq est une artiste belge qui s'intéresse donc au numérique sous toutes ses formes, autant le son que l'image que le film même. Le travail de Anouk, sa démarche si on veut, est axée sur peut-être 3 grands axes. Tout d'abord, la question de la perspective et du point de vue. Mm-hmm. Donc, comment nous, on se place par rapport à un média. Dans le cas de cette exposition-là, on est un corps flottant dans l'espace et qui regarde une nébuleuse de points. Mm-hmm. qui est en fait l'image d'une ville fantasmée, et une narration donc s'inscrit aussi là-dedans. Peut-être qu'un autre axe, c'est justement les questions d'échelle qui émergent du point de vue, donc l'infiniment grand, l'infiniment petit, comment nous, en tant que regardeurs, en tant que spectateurs, on se place, et même comment l'artiste se place pour regarder telle ou telle réalité ou telle virtualité dans ce cas-ci. Ça, et j'ai aussi remarqué que c'est peut-être pas nécessairement un axe, mais c'est disons que c'est peut-être un mot d'ordre qu'elle se donne, mais Anouk semble s'intéresser vraiment aux questions de la plus simple expression, justement, d'un média. Mm-hmm. Donc, dans Thing, elle s'est rendue compte, en fait, que, étant donné qu'on était dans une matrice, ce n'était pas nécessairement le pixel qui était le plus petit dénominateur commun, mais le point. Oui. Et donc, toutes ces questions tournent autour de ces points-là qui, justement, forment des nébuleuses. Mais dans d'autres œuvres, comme par exemple Atlas, elle va dans un microscope, mais elle fait fi de la couleur. En fait, je pense que c'est assez généralement vrai pour les œuvres de Anouk. Il n'y a pas de couleur, c'est seulement en noir et blanc. Mm-hmm. Donc, on réduit les éléments au maximum pour arriver à une définition même du média, quelque chose d'un peu autoréférentiel, si on veut. Donc, voilà. Oui, mais c'est intéressant parce que là, on a vraiment l'aspect technique, mais il y a des éléments aussi qui sont tout à fait en lien avec cette œuvre Thing dont tu parlais, où on entre dans la galerie. Bon, on est placé tout simplement devant une image, mais c'est ce rapport, justement, notre place comme spectateur, effectivement, c'est particulier, le point de vue. Moi, j'ai trouvé que déjà là, on se questionne à savoir dans quel monde, dans quel univers on est, parce que c'est noir et c'est ces petits points-là qui sont là, à un moment donné, qui forment des éléments architecturaux. Mais il y a aussi, on est dans la création d'un monde, finalement. Et la trame sonore, en tout cas, au début plus particulièrement aussi, est tout aussi pertinente. Ça se met à, comme une explosion, comme un Big Bang vient d'arriver. Ah, tout à fait. L'évocation du Big Bang est claire dès le départ. On voit, pour ceux qui connaissent un peu l'astrophysique, le Big Bang, c'est une fluctuation dans le vide, comme une espèce de vibration qui, à un moment donné, mène à une explosion. Puis, on voit ça figurer, justement, dans l'œuvre. Au départ, le scintillement est très, très subtil. On commence à percevoir des scintillements, puis ça se multiplie. Puis, à un moment donné, on arrive dans une image plus claire, qui est justement comme une nébuleuse. J'utilise beaucoup le terme, mais c'est parce que c'est... Non, mais c'est tout à fait juste. Quand on le voit, effectivement, on est là, on se questionne, c'est ça, par rapport à notre place. Il y a quelque chose de galactique, moi, je trouvais un peu de futuriste, un peu... justement, les amateurs de science-fiction vont se reconnaître au travers de ça, parce que déjà là, c'est très cinématographique, on se le cachera pas. Mais également aussi, il y a cette place-là. Moi, des fois, je me disais, mon Dieu, on se sent... C'est ça, dans l'espace, on ne sait pas trop où on se trouve, justement, vu qu'on est dans cet univers noir aussi, de nébuleuse, donc tu évoques. Puis, il y a aussi comment les choses... se crée, hein. On a des petites architectures, mais elles sont pas complètes, puis pouf, à un moment donné, il y a cette évanescence, elles disparaissent, donc il y a rien de tangible tout le temps, tout le long de la vidéo, ça éclate aussi. Oui, on est toujours tenu à distance d'une représentation claire, mais en même temps, à certains moments, on reconnaît des édifices parce que les points sur lesquels elle se base, c'est des numérisations tridimensionnelles d'édifices existants. Au début, je pensais que c'était des édifices uniquement modélisés en 3D, mais c'est vraiment des scans. Et donc, ces édifices-là sont jamais clairement définis, mais à un moment donné, on reconnaît, par exemple, une antenne parabolique sur le bord d'un balcon, peut-être une balançoire, et ces éléments-là nous nous rattache à notre monde, mais en même temps, on n'est pas certain si c'est vraiment des éléments existants ou qui ont été justement modélisés en 3D. Mm-hmm. Et cette mise à distance-là nous permet, au moment où l'œuvre se termine, puis on s'éloigne de cette nébuleuse-là, de comprendre qu'au fond, on est un peu comme dans la tête d'un créateur. Oui. Puis la narration accentue cet effet-là. Le narrateur nous parle d'un espace, de l'architecture, des questions de mathématiques, de géométrie, encore une fois de perspective, et on se rend compte que finalement, on ne sait pas si on n'est pas dans le rêve de quelqu'un qui imagine une ville qui sera jamais réalisée, mm-hmm. ou même on est toujours un peu aussi renvoyé à nous-mêmes, à notre propre condition de spectateur, où on essaie de comprendre ce qui se passe, puis on est tenu à distance par l'œuvre. Et c'est cette tension-là qui justement nous permet de rêver, de se trouver une place pour imaginer qu'est-ce que ça pourrait être, puis participer, oui, en même temps donc que l'architecte en question à la création de ce monde-là. Oui, puis c'est drôle parce qu'à la fois, c'est ça, moi j'ai trouvé que c'est très immersif, comme, bien, oui, que tu as, oui, l'air, oui, oui, tu sais, aussi à mentionner qu'on est tenu à distance, mais il y a quelque chose d'immersif, on entre dans ce monde-là parce que la manière comment c'est construit aussi, cet espace-là, et justement, c'est comme si on avançait, il y a quelque chose du travelling, oui, aussi, en même temps, qui fait qu'on se sent en même temps dans l'image, même si on n'y est pas non plus, on est dans un espace physique de galerie aussi. Fait que c'est intéressant, ce jeu-là. Oui, puis il y a quelque chose aussi qui est assez important que je pense qu'il faut souligner, c'est que au moment où, tout d'abord, j'avais peur d'inviter cet artiste-là, j'avais peur qu'elle refuse, en fait. Ça m'a pris un bon bout de temps avant de lui écrire parce que je me disais, je veux pas qu'elle me dise non. Puis finalement, ça a fonctionné. Mais dès le départ, quand on a commencé nos échanges, quand j'ai vu l'œuvre, c'est drôle parce qu'on a eu un peu la même idée, mais elle me l'a fait suivre. Puis j'ai dit, de toute façon, on fait toujours ça comme ça. Mm-hmm. À la bande vidéo, depuis un certain temps, je pense que c'était à l'ouverture de l'automne, il y a 2 ou 3 ans, on a décidé, suite à une foule d'essais, de peindre le mur de projection aussi de façon très presque opaque, presque noir, presque complètement noir. En fait, c'est, mm-hmm, un gris charcoal très foncé. Ouais. Puis, c'est parce qu'on a découvert que de couvrir la surface de projection avec ça, non seulement ça fonctionnait quand même, on voyait l'image très bien, il n'y a pas nécessairement de problème à la lecture. Ce que ça fait, par contre, c'est que la projection est un petit peu moins lumineuse. Donc, il faut corriger avec les contrastes, avec toutes sortes de petits trucs qu'on peut ajuster sur le projecteur, puis qui nous permettent, surtout pour des œuvres sur fond noir, mm-hmm, de créer un environnement qui est pratiquement tridimensionnel sans qu'on ait à utiliser la 3D. Le modeler, comme en peinture, est suggéré justement par un noir. C'est ça qui permet aux formes de sortir, si on veut, du vide. Oui. Et quand ce noir-là est respecté, l'illusion de profondeur est d'autant plus forte. Puis je trouve qu'on se sent moins aussi, peut-être, tu disais, ouais, il faut jouer avec la brillance, mais on se sent moins face à un écran, parce qu'un écran nous éclaire, nous brille, hein, quand on pense à nos téléphones, nos tablettes, ordinateurs, alors que là, c'est moins flagrant, peut-être justement dû à cette, j'imagine, dû à la couleur du mur aussi. Oui, mais en fait, c'est un des grands questionnements de la projection, c'est on projette de la lumière pour voir une image. L'image est, mmh, une lumière. Donc, si on veut avoir plus de noir, même si on avait un projecteur qui était 50 000 fois plus puissant, on n'aurait pas plus de noir, on aurait simplement plus de lumière. Donc, oui, il faut réduire le noir qui nous revient. Une des bonnes façons, c'est justement de faire un écran qui est plus foncé, de sorte à diminuer l'effet aussi des contours de l'écran, puis faire oublier justement que c'est un écran, mais que la surface de projection est la chose elle-même, l'espace lui-même qui est la représentation, en fait, qui est représenté dans la vidéo. Oui. Donc, ouais, c'est ça. Eh bien, puis en même temps, pour revenir sur un aspect, tu disais, je voulais pas qu'elle me dise non. C'est quand même, faut le dire aux gens, c'est quand même une artiste qui est exposée dans des grandes institutions de par le monde. Là. Hein, ici, je vois Tate Modern, le Centre Pompidou, le Maxi en Italie. Quand même, c'est une belle prise. Oui. Puis une artiste de renom international qui est chez vous aussi. Là. Oui, il y avait aussi Whitechapel. Allons, je regardais ça tout à l'heure. Non, oui. c'est une œuvre qui a beaucoup circulé. En fait, quand j'ai reçu le dossier, c'est une de nos membres, parce qu'on a fait un comité, c'est notre 40e anniversaire, on voulait avoir une artiste clé, et quand son dossier était, quand j'évaluais les dossiers avec eux pour savoir ce qu'on ferait pour la programmation de l'année, quand je suis tombé sur ce dossier-là, tout de suite j'ai eu un coup de cœur, puis je me disais, ce serait peut-être ça qu'on aimerait vraiment avoir. C'est une artiste aussi qui est connue un peu au Québec parce que elle présente des films, notamment son dernier film Atlas a été présenté au FNC il y a pas tellement longtemps, et donc c'était intéressant d'avoir une installation de Anouk de Clercq ici, dans la mesure où on voit toujours des projections cinématographiques, mais on voit rarement des installations vidéo d'artistes. Donc, ben, finalement, c'est une autre raison pour faire le détour par la bande de vidéo sur la Côte d'Abraham. C'est jusqu'au 26 novembre, donc ça vient tout juste de commencer, fait que ça nous laisse un petit moment, mais comme on dit toujours, ça passe vite, il ne faut pas oublier d'aller faire son tour. Merci beaucoup, Sébastien Hudon. Ça fait plaisir, merci. Alors, ça va en pause audio et on revient avec Émilie Poracca de l'autre côté. On vient d'entendre « Requin-tigre » de Galaxy et je suis en compagnie de Émilie Poracca. Bonsoir, Émilie. Bonsoir, Audrey. Alors, tu es partie, tu m'as proposé cette chronique-là en me disant, bon, il y a les prix Sobé, c'est une femme qui a remporté, mais c'est la première année qu'on a 4 des 5 finalistes au prix Sobé qui sont des femmes. Exactement. Donc, c'est ça, j'arrêtais pas de me faire dire, hey, c'est donc ben génial, il y a 4 femmes finalistes, c'est la première fois que ça arrive, etc. Puis là, je me suis dit, ben voyons, on est en 2017, comment ça se fait que ça fait tant d'émulsion, le fait qu'il y ait autant de femmes finalistes. Donc, du coup, je me suis un petit peu penchée et sur les prix Sobé, puis un petit peu sur la place des artistes féminines dans le milieu des arts actuels. Je propose des questionnements. J'ai farfouillé un peu le tout. J'ai appris beaucoup. Ouais, tu as fait beaucoup de lectures dans les derniers jours. Oui. Mais donc voilà, je l'ai un peu lancer le sujet, la discussion ce soir par rapport à ça, parce que si on revient au prix Sobeys, ça existe depuis 2002. Et chaque année, j'ai regardé, c'est soit 2 femmes sur 5 ou 1 femme sur 5 qui est seulement finaliste, ce qui est très peu quand même. Et sur les 14 prix qui ont été présentés, parce qu'il y a eu des années où il n'y a pas eu de prix Sobeys, il y a juste 4 femmes qui ont été lauréates, ce qui est quand même assez peu quand on regarde le milieu des arts. Il y a beaucoup d'artistes féminines, il y a beaucoup de femmes. En tout cas, à Québec, là, au Québec, il y a beaucoup d'artistes féminines. C'est quand même beaucoup surtout, représenté. Surtout quand on regarde dans les écoles aussi. Hein, c'est majoritairement des jeunes femmes qui sont là. Exactement. À l'école. Je pense même aussi en histoire de l'art. Moi, à l'époque où j'y étais, c'est principalement des jeunes filles qui sont sur les bancs d'école. Tout à fait. Et souvent, c'est les collègues masculins dont le travail ressort davantage. Exactement. Si on revient un peu, c'est à peu près 85% des étudiants sont féminins dans le milieu des arts visuels. C'est quand même un gros pourcentage. Mm-hmm. Et si j'ai un peu dans mes recherches, j'ai même vu que 66% des membres du regroupement des artistes en arts visuels sont des femmes. C'est quand même plus de la moitié. Oui. Donc, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'artistes féminines quand même. Mais pourquoi est-ce qu'elles ressortent si peu? Donc, ça a été un petit peu l'objet de mes recherches. J'ai pas été la seule à le faire. Il y a eu une historienne, Linda Nochlin, je veux pas écorcher son nom, mais je pense qu'on dit comme ça, en 1971, qui a fait un essai qui est « Pourquoi n'y a-t-il pas eu de grandes femmes féminines, d'artistes féminins, pardon? » Et cet essai a quand même fait école. C'est quand même un nom qui ressort beaucoup. Oui, qui est malheureusement décédé. Exactement, elle est décédée hier, je pense. Oui, exactement. À l'âge de 86 ans quand même, c'est très triste. Exactement. Donc, elle essayait de se poser la question de comment ça se fait justement qu'il y a beaucoup de femmes qui sont quand même représentées, mais pourquoi il y en a si peu qui ressortent par rapport aux collègues masculins. Ça n'a rien à voir avec leur qualité artistique. C'est beaucoup... elle pense que c'est beaucoup les institutions aussi qui... C'était un petit peu son idée. C'est une idée quand même qui est assez... rigide, en tout cas à l'heure actuelle, qui a quand même fait vraiment école. Il pense qu'effectivement, c'est ça. C'est vraiment la société aussi qui est très patriarcale, qui est beaucoup axée sur les hommes, qui a tendance à pousser plus les hommes que les femmes. Mm-hmm. Et à un moment donné, ben, il y a des femmes qui ont décidé, dans leur art, d'essayer d'être plus posée, de faire plus des gestes là-dessus. Donc, il y en a quelques-unes qui sortent du lot, bien évidemment. Là. Oui, les Guerrilla Girls, dont on pense Exactement. Souvent, hein, ces grandes Exactement. Figures activistes pour la question féminine dans le monde de l'art contemporain. Tout à fait. Tout à fait. Puis, qui a été créée en 85 et qui continue en 2017 à toujours faire des performances, des expositions, etc. Donc, faut croire que même en 2017, c'est encore d'autant plus d'actualité que maintenant. Puis, dans mes recherches, je suis tombée aussi sur un mémoire qui a été écrit en 2007 par son nom me revient par Nathalie Fortin, qui elle aussi s'est posé la question sur la place des femmes dans les années 40. Parce qu'il y avait vraiment un questionnement aussi de savoir, OK, à l'heure actuelle, c'est comme ça, mais avant, comment c'était aussi? Oui. Et on se rend compte qu'il y a quand même des choses qui se ressemblent beaucoup. Il y a quand même beaucoup de femmes qui avaient accès aux écoles des beaux-arts, qui avaient accès aussi à faire des différents types d'œuvres. Puis il y a très peu qui sortent du lot. Et il y a eu la Société des arts contemporains. Oui, oui. Donc, et il y avait quand même beaucoup de femmes qui faisaient partie du SAC également, mais il y en a très peu qui faisaient partie des conseils d'administration. Il y en a très peu qui sortaient du lot, effectivement. Et elle s'était posée également, dans ce mémoire-là, elle se pose également la question du pourquoi. Et on revient toujours un peu à la même chose. Ils se sont posés la question sur l'aspect financier. Mais ça n'a pas été concluant parce qu'il y en a beaucoup qui venaient du milieu bourgeois. Donc, le côté financier, c'est pas vraiment la raison. Et on revient toujours un peu sur le côté de la société. Les hommes ressortent plus. Ils ont tendance à entre pairs de faire ressortir les œuvres. Mais dans ce mouvement-là, il y a beaucoup d'artistes qui avaient une volonté quand même de s'impliquer socialement, de faire changer les choses. Et elles ont fait ressortir ça dans leurs œuvres artistiques. Donc, ce qui fait que ça a changé quand même un peu la donne. Puis aussi, dans les études récentes, justement, notamment, je sais, je parle de connaissances, là, mais à l'UQAM, il y a aussi tout un pan dans le milieu de l'histoire de l'art de chercheuses qui s'intéressent à la question féminine. Je pense notamment à Thérèse Saint-Gelais qui chapeaute beaucoup de ces étudiantes-là pour avoir été une de ces étudiantes à l'époque. Mais il reste que ces questions-là aussi, ces étudiantes-là font ressortir le fait que aussi plusieurs artistes. Et moi, je me rappelle dans une exposition que j'ai guidée à l'époque au musée où on disait qu'un des artistes notoires de l'époque, là, vous m'excuserez, je ne sais plus si c'était John Lyman, mais enfin, ou peut-être pas John Lyman, mais j'ai vraiment un petit blanc, mais je me souviens que cet artiste-là disait « J'ai été influencée par les peintures de cet artiste-là qui était une artiste femme aussi. » Donc, ces nouvelles recherches nous permettent aujourd'hui de mieux aussi percevoir l'influence qu'ont eu ces femmes dans la peinture, que ce soit par le fait qu'on retrouve des correspondances aussi de ces gens-là qui nous permettent de comprendre quelle influence ont eu certaines artistes femmes sur d'autres artistes, qu'elles soient femmes ou hommes, là, aussi. Bien, tout à fait. Il y a quand même dans certains... il y a certains courants, il y a certains artistes masculins où, quand on gratte un peu dans leur vie, il y a toujours une femme derrière, puis qui peignait également, qui était moins connue. Soit ils s'attribuaient leur peinture, soit ils signaient pour elle parce que, bon, ben, je suis un homme, moi, je vais être plus vendu que toi, ou ton œuvre, c'est pas grave, là, tes œuvres sont au mur, puis c'est pas grave, c'est pas ton nom qui est signé, ou peu importe. Donc ça, c'est dans l'histoire, ça a toujours été. Pas seulement dans le milieu des arts visuels, mais en général, ça a toujours existé. Mais il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent effectivement à cette place-là, parce que moi, je trouve ça troublant de voir qu'il y ait autant d'artistes femmes qui sont quand même douées, mais on en trouve peu dans des musées, dans des expos, peu dans des prix, peu dans des qui sont peu reconnus. Et c'est dommage que les traces on va laisser par la suite à ce moment-là. C'est quand on regarde les chiffres, moi, je trouve ça quand même assez, assez troublant. C'est ma petite note féministe du jour, mais il faut y penser. Puis, mais ça fait réfléchir aussi. Puis je pense que de plus en plus, dans les jurys, ça se pose comme question également aussi, à avoir ça, sans dire une parité, mais à ce qu'il y ait quand même une représentation aussi féminine sur autant les jurys que pas les récipiendaires, mais les finalistes, exactement, oui, voilà. Ben, c'est sûr que une des questions que je me suis posée en faisant mes recherches, puis j'ai malheureusement pas la réponse, mais les Sobeys, effectivement, il y a peu de femmes lauréates, peu de femmes qui sont finalistes, mais si on regarde plus proche de nous à la Ville de Québec, dans le cadre des prix d'excellence, des prix Vidéré, en faisant mes recherches aussi, il y a quand même beaucoup de femmes qui sont soit finalistes, soit lauréates. Souvent, bon, ils remettent 3 prix par année, et c'est pas rare que c'est 2 femmes sur 3. Il n'y a jamais eu 3-3, là, ce serait quand même génial, mais c'est pas encore arrivé. Mais il y a souvent 2 sur 3 qui sont des femmes. En tout cas, dans les finalistes, sur 7, il y a une grande majorité. Souvent, il y a plus de femmes que d'hommes. Donc, la question que je me pose, mais ça sera peut-être l'objet de d'autres recherches, est-ce qu'au Québec, on a plus la reconnaissance des artistes féminines, en tout cas dans les prix, parce que je ne suis pas certaine non plus que dans les musées, il y a plus de femmes ou dans les expos qu'il y a plus de femmes qui sont représentées, quoique... J'aurais une petite tendance à dire peut-être que oui, mais vraiment avec beaucoup de précautions parce que j'ai pas vraiment fait de recherche là-dessus. Mais bon. Ben en tout cas, on va ouvrir l'œil la prochaine fois qu'on ira et on jettera ce petit regard-là. Peut-être justement cette chronique nous amènera à être plus sensibles à cet aspect-là lors de nos visites. Émilie, merci beaucoup. Ben ça fait plaisir de nous avoir proposé ça. Et puis on va mettre en ligne c'est vrai les quelques liens des lectures. Tout à fait, parce qu'il y a un article dans S aussi qui a paru de Rose-Marie Arbour, qui est aussi une historienne. Et qui est passée par Québec il y a peu de temps. Exactement, aussi. Qui a fait un article vraiment très instructif qui reparle de Linda Nochling, qui reparle vraiment qui fait vraiment un tracé. Des expositions aussi collectives. Oui, tout à fait, l'importance. Oui. Exactement, qui ont eu quand même une grosse importance aussi dans le courant féminin. Donc, on va mettre tous ces liens-là sur le blog de Aérospatiale, je pense. Oui, exactement. Donc, puis on partagera aussi sur notre page Facebook. Exactement. Donc, bonne lecture. Ben, merci beaucoup, Émilie. Alors, nous, on s'en va en pause publicitaire et on revient pour la deuxième moitié de l'aérospatiale. 89.1. CKRL. Québec. À l'heure actuelle, les équipes médicales de Médecins sans frontières travaillent dans les endroits les plus reculés et les plus dangereux de la planète. Là où des villes deviennent champs de bataille, là où sévissent conflits et épidémies, là où les gens sont privés d'hôpitaux, c'est là que nous intervenons. Votre don nous permet d'opérer là où peu d'autres se rendent. Soutenez Médecins sans frontières. Pour en savoir plus, consultez msf.ca. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Bryston, Cambridge Audio, Denon, Dynaudio, Focal, Grado. Audiolite, toujours spécialiste en son et image. Moon, Oracle Audio, Paradigm, Rega, Sennheiser. Audiolite.qc.ca. On débute la deuxième demi-heure de l'aérospatiale sur les ondes de CKRL. Vous êtes toujours en compagnie de Audrey Caro et moi, je suis en compagnie en studio de Marie-Claire Tremblay. Bonsoir Marie-Claire. Bonsoir Audrey. Alors, tu nous reviens à nouveau avec ta chronique Art public et tu nous fais découvrir une nouvelle œuvre dans un autre quartier de Québec. Cette fois-ci, on va devant la Maison de la littérature. Exactement. On s'en va dans le Vieux-Québec pour découvrir cette œuvre-là qui a été installée récemment. En juin 2017. Et c'est ce qu'on appelle en des termes résumés, un 1%, donc une œuvre installée dans le cadre de la politique d'intégration des arts à l'architecture du ministère des Cultures et de la Communication. Ceux qui ne le savent pas encore, je le répète encore et toujours, qu'est-ce que c'est cette fameuse politique? De manière résumée, c'est lorsque on construit un bâtiment ou on le rénove. Donc, le propriétaire doit réserver plus ou moins 1% de son budget à la création d'une œuvre d'art qui sera installée soit à l'extérieur, soit à l'intérieur, en fait, du bâtiment. Donc, l'œuvre qui nous intéresse, elle a été commandée quand même, ça fait un petit moment, en 2013, pour être installée justement sur le de la Maison de la littérature. La Maison de la littérature a ouvert ses portes en 2015, c'était la question de l'aménagement de l'environnement autour là, qui a été un petit peu plus longue que prévu. C'était un gros chantier aussi. Oui, hein? C'est ça, exactement. Donc, c'est pour ça que l'œuvre est toute nouvelle. Et Audrey, c'est une nature morte donc pour cette fameuse journée de la mort qui est l'Halloween. Une vanité. Hein? Oui, voilà, une vanité, mais on va voir qu'elle est faite de nature, de manière un peu particulière. Et l'artiste qui l'a réalisé, c'est Mathieu Valade. Et là, j'avais envie de vous en reparler un petit peu, là, savoir qui il est, Mathieu Valade. C'est un artiste de Chicoutimi qui est professeur et responsable du module des arts de l'Université du Québec à Chicoutimi. À Québec, ici, il est représenté par la Galerie 3, bien sûr. Et dans sa démarche, on note vraiment qu'il s'intéresse aux relations entre les formes et les images et ce que tout ça peut évoquer une fois détourné. Par exemple, je me souviens d'une série de dessins qu'il avait réalisé dans laquelle il avait ajouté des logos publicitaires comme installés en filigrane. Donc, par exemple, on avait un dessin de forêt dans lequel on pouvait lire « C'est ça que j'aime ». Mm-hmm. Donc, vraiment, ce côté-là de créer, de jouer avec les oppositions, de s'intéresser justement aux relations entre forme et image qui va amener à des interprétations nouvelles. Il aime beaucoup aussi l'idée de la contradiction, donc c'est ça l'idée de l'opposition. Et ces fameuses contradictions, oppositions vont se voir aussi de manière littéraire, par exemple dans les titres. L'œuvre dont je vais vous parler s'appelle Éphémère durable. Éphémère durable, tout de suite on le sent dans le titre. Je pense aussi entre autres à une œuvre qu'il avait réalisée pour Manif d'art, Mythe et évidence. Donc cette fameuse licorne dans une boîte de verre givré, donc le mythe, hein, l'idée de la légende de la licorne qui n'existe pas vraiment, mais une évidence. Donc comment ça se fait que c'est une évidence pour nous qu'on reconnaît cet animal-là, qu'on est capable de le nommer, même si il n'existe pas vraiment. Donc, c'est un jeu, en fait, avec l'idée, cette représentation-là de l'image qu'on reconnaît. Et il y a aussi, qui est très présent dans son travail, l'histoire de l'art, donc les références à l'histoire de l'art. Je mentionne encore une autre œuvre qu'on a vue dans le cadre de la manif, qui s'appelait Manifeste, où on voyait défiler justement des grands manifestes de l'histoire de l'art, mais qui empruntaient les codes, en fait, de... C'était défilé comme la guerre des étoiles, comme le générique, ouais. C'est ça, exactement, avec la musique, donc, qui était assez cocasse. Et donc, juste pour mettre la table avec l'idée de la nature morte, j'avais envie de retourner un peu à l'essence de la nature morte. J'ai ouvert mes livres d'histoire de l'art ce week-end. Et donc, la nature morte, on la voit apparaître principalement au 17e siècle, mais on la voit aussi au 18e siècle. Donc, c'est vraiment un genre, comme on a la peinture d'histoire ou le portrait, par exemple. Et dans la nature morte, bien sûr, on va voir des objets inanimés, donc souvent des fleurs, des chandelles, des drapés. On va la voir aussi particulièrement en Hollande et en Flandre au 17e siècle. Puis, je notais aussi quelque chose d'assez intéressant, c'est que ça laisse beaucoup de place à la liberté des artistes peints d'une nature morte dans le choix des objets, en fait, qui vont installer dans la nature morte. C'est quelque chose, justement, qu'on voyait pas du tout dans le portrait. Donc, bref, ça m'a fait retourner un petit peu à des anciennes amours de réouvrir mes livres histoire de l'art. Mais j'arrive tout de suite justement à Éphémère durable, qui est la première œuvre d'art de Mathieu Vallade dans la ville de Québec. Donc, oui. Bienvenue dans la ville de Québec, on est très contents. Et tout de suite avec le titre, voilà, est placée cette idée-là de la contradiction. Donc, on va voir des objets éphémères, mais il y a la question de la durabilité aussi qui est présente. Ces objets-là vont être périssables ou appelés à disparaître, mais étrangement, l'artiste les a coulés dans le bronze. Donc, cette idée de durabilité, on la voit très, très rapidement. Oui, parce qu'il faut dire, quels sont ces objets qu'on voit? Oui, bien, c'est ça, c'est le fun aussi des noter tellement il y a un côté très hétéroclite là-dedans. La boule disco, l'oiseau, le chandelier, le fragment de crâne. Dans une autre pièce, on a le régime de Balane, la vieille télé, les fleurs séchées. Une autre pièce encore, des livres, un crâne, un trophée, un miroir et un ananas. Donc, tu vois, quand je le nomme tout de suite comme ça, on est devant quelque chose de... hétéroclite, oui, c'est vraiment ça, complètement. Très diversifié, puis oui. c'est en même temps l'amalgame de tout ça. Il y a des rapports aux contemporains, puis... au passé, tu sais, vraiment, je veux dire, vraiment. Pour ceux qui connaissent déjà un peu le thème de la nature morte, oui, il y a des références, mais en même temps, il y a par exemple cette télé ou cette boule disco qu'on verrait pas dans une nature morte du 17e, 16e, 17e siècle. Ben c'est ça, vraiment, cette présence-là de deux temporalités est assez intéressante. C'est une liberté, justement, que l'artiste se permet. Puis moi, j'avais envie de... vu que l'artiste mentionne, justement, son intérêt pour l'histoire de l'art, ben j'avais envie de plonger dans le petit clin d'œil au surréalisme. Tu sais, veux pas, mm-hmm. dans cette rencontre fortuite-là entre les objets, ben moi, je voyais un petit peu ça. Ça me rappelait la fameuse phrase là, de Lautréamont que je me plais à redire comme ça. Beau comme la rencontre fortuite d'un parapluie et d'une machine à coudre sur une table de dissection. Ben, tu prends par exemple le trophée et l'ananas. Hein, mm-hmm. L'ananas qui est inséré dans le trophée, ben, pour moi, c'est un peu ça. Et quand même, ben, on dit que c'est une nature morte, mais c'est même, Audrey, une vanité, tu l'as dit au début, on a la présence du crâne. Oui. Et au 17e siècle, l'idée de la vanité, ben ça nous ramène à notre condition d'humain, la précarité de la vie humaine, exactement, qui est éphémère. Puis je me demandais si justement dans cette œuvre-là, on pouvait pas voir un genre de prise de parole, si on veut, parce que l'œuvre est installée sur le site de la Maison de la littérature, donc on constate justement que notre vie est éphémère. Alors c'est le moment, comme on est près de la Maison de la littérature, ben pour aller s'instruire, justement, c'est une maison dans laquelle on trouve le savoir, on trouve les livres, donc il y avait ça vraiment d'intéressant. Puis il y a autre chose aussi que j'ai noté que je trouvais assez chouette. Bon, oui, la nature morte, il y a une des trois pièces dans laquelle on retrouve la disposition qu'on va voir dans la nature morte, donc le drapé, les livres qui sont disposés un petit peu comme si on avait un tableau tridimensionnel, tandis que les deux autres pièces, ben c'est vraiment les objets sont empilés les uns sur les autres de manière un peu décorative, si je peux dire, de manière esthétique. Oui, c'est ça, plus une construction, on sait. Oui, là. C'est très construit, puis je notais d'ailleurs sur la boule disco, là, on le voit pas très bien quand on est au sol, mais avec les photos, on peut un petit peu mieux le voir. C'est vraiment la mâchoire inférieure des crânes. Un mandibule. Oui, c'est ça, un mandibule dont on a répété la pièce et qu'on a placé en cercle comme ça. Donc, c'est assez intéressant. Peut-être aussi, rappeler le lien très, très fort avec le contexte environnant. Donc, maison de la littérature. Il y a quand même une notion de poésie là-dedans parce que on a des objets qui semblent un petit peu tirés de plusieurs histoires différentes qu'on a rassemblées ensemble, qui fait peut-être écho justement aux histoires qu'on trouve dans les livres de la Maison de la littérature. Puis après, il y a aussi cette idée-là de conserver ces objets-là, ces histoires-là, de les couler dans le bronze, qui fait peut-être un petit clin d'œil aussi à la mission de la Maison de la littérature, qui est vraiment de conserver le savoir, les ouvrages. Oui. Ouais. Puis je trouve ça intéressant aussi parce qu'avant, c'était une ancienne église, hein, faut le rappeler, la Maison de la littérature. Oui. Fait que c'est quand même un petit clin d'œil aussi comment les choses sont éphémères, hein, parce qu'on n'aurait jamais cru qu'auparavant que la religion allait, diminuer, pas sans dire disparaître, mais enfin diminuer en importance. Quand même, il y a un petit clin d'œil aussi qui est remplacé par toutes les questions de savoir, le savoir actuel aussi, alors que l'Église souvent servait de savoir à une certaine époque, ou en tout cas était la référence aussi. Enfin, il y a des questions beaucoup plus larges que cette œuvre amène aussi. C'est vrai, on peut vraiment réfléchir longtemps puis trouver, c'est ça, différents sens. Moi, dans la proximité avec... une des premières églises néo-gothiques là, qu'on retrouve en arrière, qui est aujourd'hui la Maison de la littérature. Mais je trouvais ça chouette, ne serait-ce qu'au niveau visuel, le rappel formel. On voit les pignons et les petits pinacles au bout. Mm-hmm. Ça fait vraiment un autre clin d'œil, justement, à la forme de des éléments. En hauteur, oui. Voilà, c'est ça. Donc, une nature morte historique et contemporaine, qui est comme un brin cocasse aussi, par son agencement hétéroclite. Donc, c'est vraiment une œuvre à aller découvrir près de chez vous, dans le Vieux-Québec, sur la rue Saint-Stanislas. Bien, merci beaucoup, Marie-Claire. Ça nous donne le goût de sortir en cet automne, justement, profiter des derniers moments avant que la neige nous tombe dessus. Alors, on va aller visiter ça, certainement. Merci beaucoup. Merci. Alors, on s'en va rapidement en pause musicale et on vous revient de l'autre côté avec La Passion Van Gogh. Petit bois des alentours. On vient tout juste d'entendre Fanny Bloom et Petit Bois. Eh bien, je voulais me permettre une petite discussion avec vous au sujet d'un film, parce qu'on essaie de temps à autre, hein, on vous le rappelle tout le temps quand ça arrive, mais de traiter des arts visuels d'une autre façon. Et j'avais envie de vous parler de ce film qui est actuellement à l'affiche au cinéma, Le Clap, La Passion Van Gogh, qui est vraiment un long métrage d'animation. Mais comme je disais en début d'émission, un long métrage d'animation fait entièrement à la main, qui est peint à la main, à la manière de Vincent Van Gogh, ce grand artiste dont on a presque pas besoin de vous présenter, visiblement, mais c'est vraiment un chantier impressionnant, je vous dirais. Il faut le penser, c'est plus de 65 000 peintures à l'huile qui ont été peintes pour faire ce film. Et la grosseur des peintures, pour vous donner une idée, était de 67 cm par 49 cm, mais sur une toile un peu plus grande. Et pour chaque scène, on repeignait par-dessus l'image, ce qui fait qu'à la toute fin, il nous reste 853 peintures et 90 d'entre elles, ben, plus 90, là, dans le fond, qui ont servi à la base pour donner l'univers qui allait servir à ce film, justement, pour pencher cet univers-là. Donc, c'est plus de 120 artistes qui ont participé plus de 100 artistes, pardon, qui ont fait le travail et donc qui ont accompli ça. Et c'est un film, donc oui, qui s'inspire de la manière, hein, bien sûr, de peindre de Vincent Van Gogh, mais aussi de sa vie. Parce que quel est le synopsis de ce film? On se retrouve à la fin du 19e siècle à Auvers-sur-Oise et on suit, dans le fond, l'enquête d'un jeune homme, Armand Roulin, qui est le fils du facteur qui avait une relation avec Vincent Van Gogh, qui allait remettre, dans le fond, les lettres au frère de Van Gogh, Théo. Donc, et après la mort de l'artiste, est restée une lettre qu'il a voulu aller livrer au frère, mais en arrivant, ce dernier était décédé. Il apprend qu'il est décédé. Donc, au fil de son voyage, le jeune Armand Roulin se part dans une enquête, finalement, pour essayer de comprendre justement la vie de ce peintre, mais surtout aussi qu'est-ce qui l'a amené à se suicider, à découvrir aussi qui était cet étrange personnage, hein, parce que lui, il l'avait rencontré, mais il l'avait trouvé un peu excentrique, ou enfin, c'était un marginal. Donc, il repart comme ça à l'aventure pour découvrir un peu ce qui lui est arrivé. Et c'est vraiment une histoire qui est pas banale du tout, finalement. Finalement, ça devient un film d'animation qui peut être quand même pas tant pour les enfants, même les enfants peuvent l'apprécier, mais c'est surtout pour nous, un public plus adulte qui va embarquer dans tout ça. Mais vraiment, à la fois, si je peux dire, ce film visuellement est intéressant parce que justement on y retrouve des façons de faire de Van Gogh. Il y a une fluidité aussi qui est magnifique. Il y a une texture. Ça donne vraiment une texture à l'image qui est fort intéressante. Mais je sais, j'écoutais nos collègues de Situation Critique la semaine dernière qui en parlaient. N'eût été de cette technique qui est magistrale, reste que ça n'aurait pas fait un film de 95 minutes, d'une heure 30, là, juste par ça. Mais l'histoire en soi est extrêmement intéressante. Et pour les passionnés de Van Gogh, vous reconnaîtrez aussi les personnages, parce que c'est des personnages de Van Gogh qui l'a peint, qui sont utilisés dans ce film-là. Le facteur, justement, aussi le médecin de Van Gogh aussi. Et là, on a même réussi à trouver des acteurs qui ont réussi à personnifier tout ça et inspirer aussi les artistes, pouvoir donner forme aux artistes qui ont peint également ce long métrage-là aussi. Donc, il y a vraiment quelque chose de magique, si je peux dire. On retourne un peu aussi en enfance, un peu par la beauté, la grande beauté de ce film, malgré la grande complexité que ça l'a engagé, visiblement. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que de ces œuvres dont je vous disais qu'il y en avait 853 qui restaient à la fin, eh bien, il y a une exposition aussi qui fait suite au film. C'est présenté, malheureusement, pas près de chez nous, mais si vous allez aux Pays-Bas, vous pourrez voir cette exposition, donc qui présente 119 des œuvres du film qui sont exposées donc au musée de Noordbrandbeam Museum à Hertogenbosch aux Pays-Bas. Donc, et ça représente là 10% à peu près des peintures qui sont restées suite au film. Et c'est une réalisation, donc une coproduction du Royaume-Uni et de la Pologne, et qui est véritablement donc un hommage à l'œuvre même et à la vie de cet artiste-là, parce qu'il faut dire, oui, à la fois, il y a des éléments, dans le fond, de la biographie vraie, mais qui s'entremêlent aussi un peu de fiction au travers de tout ça, mais qui donne vraiment une œuvre qui vaut le détour. Comme je vous disais, c'est au clap que l'on peut voir ça. Alors, courez au cinéma si des fois, par une journée pluvieuse d'automne, vous cherchez quoi faire, ça vaut la peine. On va sauter tout de suite à l'agenda de la semaine, hein, parce que c'est déjà presque la fin de l'émission. On a un petit agenda ici cette semaine pour vous. Donc, dès jeudi, il y a un événement d'art collaboratif intitulé « À l'extérieur des murs » qui va avoir lieu au Réacteur, donc l'ancienne Lépine Cloutier sur la rue Saint-Vallier, 715 rue Saint-Vallier-Est, donc où on présente des œuvres d'artistes, de quatre artistes de Québec, Julie Théberge, Christina Fortin, Julie Bouffard et Geneviève Chartrand. Donc, c'est là de... Oui, Milly, tu voulais dire que... Quatre femmes, effectivement, oui, exactement, pour rebondir sur ta chronique de tout à l'heure. Donc, ça débute ce jeudi, c'est jusqu'à dimanche, donc c'est quand même une courte durée, et c'est entre 10h et 17h que vous pourrez voir cette exposition-là. C'est bien sûr gratuit, mais on vous invite aussi au 5 à 7 du vendredi, où Simon Henné va être là pour proposer des pièces acoustiques de 5h30 à 19h, mais également aussi, il va y avoir la prestation de Charo Foutainway qui vous proposera donc une performance de danse contemporaine accompagnée de Benoît Fortier à la flûte. Et ça va être vers 19h. Donc, ça promet quand même. Je vous invite à y aller. Sinon, vendredi, Materia réunit deux figures, encore une fois féminines, importantes de l'art textile québécois. C'est Carole Baillargeon et Mireille Racine qui présentent des pièces sous le thème ou le titre « Recoudre ». Le vernissage est ce vendredi 3 novembre dès 17h à Materia. Et sinon, lundi, le Club des collectionneurs en arts visuels de Québec vous invite à la projection du documentaire « Je suis un homme heureux, passion collectionneur » où la réalisatrice Réjeanne Lamotte a suivi pendant un an le collectionneur Pierre Bilodeau dans des vernissages, des encans, des expositions et des visites d'ateliers. Donc, elle s'inspire de son parcours pour plaider en faveur des projets et des passions qu'ils vont susciter. C'est à l'auditorium de l'ENAP, au 555 Boulevard Charest-Est, à 19h. Et c'est suivi d'une causerie, et c'est comme toujours gratuit. Dernière semaine pour voir l'exposition « Nouveau développement » de Sébastien Clich, au lieu dont on a parlé la semaine dernière avec Julien Saint-Georges Tremblay. Manquez pas ça, allez voir cette exposition-là. On termine, voilà, cette édition Halloween de l'aérospatiale. On vous invite à consulter notre page web aérospatiale.ckrl.wordpress.com, notamment pour rattraper les liens que nous mettrons en rapport à la chronique de Émilie Poraca. Marie-Claire Tremblay, Émilie Poraca, merci beaucoup de votre participation. Merci. Et merci également à Sébastien Hudeau. Également, merci à la mise en onde. C'est Jacques Gignac qui est de retour cette semaine après s'être guéri d'un gros rhume, il faut le dire. Et salutations à Jean-Tienne La France qui, pour vous, à chaque semaine, met en ligne la balado-diffusion sur notre page web. Alors, salutations, chère Jean-Tienne. Je vous laisse au bon soin de Pierre Blais et toute son équipe en direct de la Ninkasi Saint-Jean, qui sont là pour, bien sûr, l'émission Situation critique. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine, 17h30. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Cet automne, dans un monde où le malheur persiste et s'impose. Je veux être professeur. Professeur de piano, Patrice. Découvrez la tragique histoire de Jacqueline Bel-Enfant et son désir de changer de vie. Il est sourd pour vrai, là. Comment voulez-vous qu'il joue du piano, madame? Une histoire d'espoir. Non, madame, Beethoven est devenu sourd. Détour Nazareth présente... Pour une première fois dans ma vie, j'ai l'impression que les choses peuvent prendre une nouvelle tournure. En collaboration avec Premier Acte... C'est quoi ça? C'est quoi cette ville de fou? Abadou veut jouer du piano. Du 7 au 25 novembre, premieracte.ca. CKRL, c'est la culture artistique, musicale, mais aussi entrepreneuriale, politique, environnementale et sociale. Une radio unique pour découvrir la relève artistique et musicale et l'information différente, locale et alternative. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. La radio communautaire de l'année pour 3e année consécutive. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. L'Association canadienne pour la santé mentale, filiale de Québec. Antitube, la Maison des femmes de Québec, Salle Albert Rousseau, l'Association pour la défense des droits sociaux, Québec Métro. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. À voir ce mois-ci au cinéma Le Clap. Glory dès le 3 novembre. La mise à mort du cerf sacré dès le 10 novembre. L'étoile de Noël dès le 17 novembre et The Square dès le 24 novembre. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca ou téléchargez notre application mobile. Bon cinéma! CKRL est en nomination dans la catégorie Radio de l'année au prochain gala de l'Alternative musicale indépendante du Québec et c'est le temps de voter pour votre radio. Rendez-vous sur notre site ckrl.qc.ca pour tous les détails. Vous pouvez voter jusqu'au 10 novembre. Aidez CKRL.